toujours rêvé, on peut s'imaginer. Sorti de la cuisse de Jupiter, célèbre comme Gary Cooper, on peut toujours rêver que l'on fait partie des gens arrivés. On peut toujours rêver que l'on va hériter, que l'on est fils d'armateur grec, fils de pacha ou fils d'évêque. On peut toujours rêver qu'on est un genre de messie, messie, messie. Que l'on peut dormir le jour, que l'on peut aimer la nuit, que l'on ne perd pas sa vie à la gagner. Que la vie des châteaux, ce n'est pas fait pour les chiens, ce n'est pas la vérité, mais on peut toujours, toujours rêver. On peut toujours rêver que l'on est Teddy Barclay, un gros cigare entre les dents, un appartement élégant, un téléphone tout blanc, que l'on est vraiment quelqu'un d'important. Lise Taylor est dans nos bras, l'ange bleu dort dans nos draps, Judy Garland elle-même est à nos pieds. Les étoiles du star system aveuglément nous aiment. C'est peut-être exagéré, mais on peut toujours, toujours rêver. On peut toujours rêver que les femmes vont changer, qu'elles ne porteront plus la culotte, qu'elles cireront enfin la botte. On peut toujours rêver, même si ça ne doit jamais arriver. Oh, on peut toujours rêver, mais quand l'heure a sonné, de tomber follement amoureux d'une secrétaire aux yeux bleus, c'est tellement merveilleux que nos rêves ne sont rien à côté. On peut toujours rêver qu'à force de chanter, un ami nous écoutera et reconnaîtra notre voix. On n'ose pas y croire, mais on peut toujours rêver, toujours rêver.